c'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. C'est la grosse journée aujourd'hui, on va essayer de remettre ça dans l'ordre. Je vais dire les prénoms, ok? Stéphanie, Émilie, Maxime et Régis, tous les noms de famille. Gagné. Non, pas le temps. Non. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le mardi 23 novembre 2010. On est en direct des studios de Cifo à Trois-Rivières et moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier et non, je n'ai pas réussi à dire les noms de famille ce matin. Je pense qu'on manquait de temps dans l'intro. Hein? Tu m'as un peu surpris, Mathieu. Écoute, c'est pas un bon matin pour la rapidité intellectuelle de François Olivier. Ta RAM est pas dans le. Eh, shit, non. Le computer, c'est USB. Elle est pognée dans mon cou en même temps que je sais pas quoi, mais en tout cas. Que t'as un torticolis? Non, j'ai pas un torticolis, mais j'ai excessivement mal dormi. Je me suis réveillé, j'ai essayé d'assommer la douleur avec des pilules. Des pilules! Mais ça a pas fonctionné. Non, hein? En te regardant la façon dont tu tortilles. Oh! Mais bon, c'est pas grave, là. On va faire comme si de rien n'était. C'est pas grave, c'est bien, oui. Quand on est des acteurs, finalement. Oui, hein? Ça va bien. sans blague, bienvenue à Assemblage requis. On va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. On a grosse beaucoup émission, de contenu. Oui. Maxime Lemieux-Laramé de son nom de famille. Oui, Lemieux-Laramé, virgule Madame, Maxime. On reçoit aussi Madame Gagné. Oui. De son prénom. De son prénom Gagné. Stéphanie. Oui, Stéphanie. Gagné. Oui. Son plat favori. Oui, et Madame Gauthier. Émilie. Avec du plein air. Donc, musique. Plein de plaisir, hein. Plein de plein air. Plein air. Waouh, ça fait beaucoup de choses. Hey, on a Richelry aussi. J'ai entendu tout dire que sa série. sa série Quand la mort se fait originale est terminée. OK. Donc, on va l'entendre. D'autres vieilles capsules, juste pour la fin. OK. Et puis, je pense qu'il va repartir avec une nouvelle série après les fêtes. Est-ce que c'est exact? Peut-être pas. Ah, d'accord, je sais pas. Bon, de toute façon, on va revenir avec l'information d'ici la semaine prochaine. Mm-hmm. Ce n'est pas un souci. C'est pas le souci. C'est même pas des ennuis. Allez, c'est qui? Présent, les intrépides. Oui. Ben oui. T'écoutais ça? Ben oui. Ouais. Est-ce que t'écoutais les nouvelles aventures des intrépides, par contre? Ça, c'est une autre affaire. je sais pas, là, par exemple, j'ai arrêté. Ben, c'est quoi, ils ont changé d'acteur, non? On pourrait quasiment penser que oui, avec le changement drastique dans le visage de l'acteur principal. C'était quoi, Laurent Deutsch? Ok, c'est quand même récent? Non, pas très récent, non. C'est genre peut-être 2-3 ans après l'original. Mais il prend un coup de vieux, Ah ouais? La drogue, sinon, encore? Non. Non, ben, la puberté, je pense. Comme toi, à un moment donné, ça va venir. Ah, ouais, je pense que c'est déjà entendu. Ah ouais, c'est la barbe et la moustache. Moi, je m'en retourne de l'autre bord. Ah ouais. on parlera de moustache tantôt, peut-être. Pour l'instant, on va retourner en musique. On va commencer l'émission en musique parce qu'on n'a pas encore joué de musique, étrangement, après autant de temps à placoter. Spiral Beach, ça vient de leur vieil album Ball. On écoute Made of Stone. Made of Stone. 89 FM. We'll be right back. Laughing! Merci Mathieu. De la formation Who the Fung. Une très bonne pièce, j'aime ça. Ris comme le Père Noël, parce que Dana. Bon, c'est bien ça. Ouais. Parce que Noël s'en vient. Ah oui, pour vrai. Ah, et ah. Je te dis. Ben. L'hiver est arrivé d'ailleurs hier. Ah ouais? Ah ben. On apprend des choses à la radio, hein? C'est fou. 89 FM. La Radio Campus. Ouais, de Trois-Rivières. François, Olivier Marchand. Mathieu Tousigny en plante. Do you want to learn something? Oh, no thanks. Bon, OK, ben, laisse faire le bord. Voici, c'est un fait. C'est la chronique C'est un fait ou la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables en compagnie de moi-même Mathieu Plante. Je raconte mes faits à François-Olivier Marchand. Lui me dit s'il les trouve intéressants ou pas. Des fois, m'insulte en ondes. Des fois, wow. Ça dépend. Des fois, c'est vrai, je devrais être plus généreux que ça. Ah non, mais je t'ai jamais insulté en ondes. Ah non, c'est vrai, t'as raison. En y repensant, je sais pas ce que je dis raconte là. Si tu veux, je peux commencer par exemple. Ok, quand ça tu me ferait peut-être du bien. Sais-tu qu'avant de devenir le célèbre bassiste à la langue énorme, Gene Simmons enseignait l'espagnol de sixième année à Harlem? Ah oh, ouais? Oui. Ah non, je ne sais pas pantoute. Gene Simmons, d'ailleurs, qui était à Montréal, je pense, la semaine dernière. Mm-hmm. En cadre de, pour présenter un de ses artistes, je pense. Ah, je ne peux pas dire. Je pourrais me corriger, par contre, en disant qu'il enseignait juste la sixième année en général dans Spanish Harlem, qui est un endroit. Connais-tu Lizzie Velasquez? Lizzie Velasquez. Non, ça me dit rien du tout. C'est une fille qui doit manger à toutes les 15 minutes pour rester en vie. Hein? Ouais, c'est une fille du Texas, Austin, Texas, 21 ans qu'elle a. Elle doit manger entre 5000 et 8000 calories à chaque jour pour ne pas perdre de poids. Elle doit porter des vêtements triple zéro. C'est vrai. Elle portait des vêtements de poupée quand elle était bébé. Elle est née prématurée à seulement 2 livres 10 onces. Elle a 0% de gras. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est aveugle dans un de ses deux yeux. Les docteurs, là, comment, vas-y. Mais là, est-ce qu'il faut qu'elle se réveille pour manger? Ah, ça, je pourrais pas c'est dire. Son fonctionnement, je sais pas si elle est branchée à quelque appareil. Quelque... C'est ça. Les docteurs disent qu'elle a le syndrome neonatal progeroid ou quelque chose du genre qui cause une perte de graisse dans la figure et puis... elle vieillit de façon accélérée, si on veut. On ne sait pas grand-chose sur sa condition en tant que telle. Malgré ça, Lizzie est capable de faire plein de choses. Hein? Elle a été cheerleader ou pom-pom girl à l'école. Elle a aussi son propre site web. Elle travaille en tant que motivatrice et elle écrit des livres. Et pas évident, par exemple, hein, pour vrai? Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Elle est triple zéro? Ou ouais, triple zéro. Triple zéro, triple zéro. C'est ça, en fait, c'est l'enfer, là. Ouais. Je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com, il y a une photo. Oh, okay. Ceux qui s'intéressent, petit voyeur, vous. Le diabète est la cause principale de... C'est bizarre avec mes traductions en français aujourd'hui. Ce qui fait que les gens sont aveugles lorsqu'ils sont adultes. Cécité, c'est pas la... C'est pas, ouais, cécité, c'est les... Cécité, c'est perdre la vue. D'accord, ouais. Bon. Parfait. T'as raison, l'autre, c'est quoi? C'est surdité, hein, c'est ça? Ah, ouais. Pour les oreilles? C'est ça. Même si... Suscité. Ça, c'est ta chronique. Ça suscite l'intérêt. Ah, ben, ça dépend, hein? Ça dépend beaucoup. Même si le diabète peut être détecté via un examen de la vue, seulement 38% des adultes qui ne portent pas de lunettes ou de verres de contact sont allés chez l'optométriste depuis les deux dernières années. Combien? 38% des adultes qui ne portent pas de lunettes ou de verres de contact. Donc, pas grand monde. Depuis les deux dernières années, comme je disais. Des 21 millions d'Américains qui souffrent de diabète, on estime que 6 millions n'ont pas encore été diagnostiqués. Hein? Quand même. 21 millions d'Américains qui souffrent de diabète, 6 millions qui n'ont pas été diagnostiqués. D'accord. Je répète tout deux fois aujourd'hui. Non, mais c'est énorme, c'est le corps, là. Oui, c'est ça. Détecter le plus tôt possible la maladie permet la prévention de la rétinopathie diabétique, une complication qui peut mener justement à la cécité, comme tu le disais. Ah, hein? Un homme a publié plus de 200 000 livres. Là, tu dis, mais c'est pas possible. Ouais, mais ouais. C'est ça. C'est Philip M. Parker qui a créé des algorithmes sur ordinateur qui peuvent ramasser ou collectionner des données sur un sujet spécifique et ensuite produire un livre complet en utilisant l'information fournie. Ce processus demande l'utilisation de 60 à 70 ordinateurs par 6 ou 7 programmeurs, mais un livre typique peut être produit en dessous de 20 minutes. Il y a une vidéo sur l'article assemblagerequis.com. C'est quoi? C'est du copier-coller? C'est l'ordinateur qui fait un processus informatique. Ouais, je sais pas. J'imagine qu'il y a un certain copier-coller là-dedans pour ramasser l'information. Ouais. Je sais pas si ça sort bien. Hein. Je sais pas si c'est lisible premièrement et si ça suit. Très bonne question. Est-ce qu'il y a des chapitres là-dedans? Aucune idée. Bonne question, ça aussi. On parle d'une jeune fille qui devait manger toutes les 15 minutes tantôt. Une autre condition très, très bizarre, c'est une fille de 13 ans. C'est une Britannique, Zara Arishorn, qui souffre d'un désordre génétique rare appelé la lipodystrophie. Cette maladie-là enlève l'habileté naturelle du corps de faire pousser des cellules de gras, de graisse. Comment t'appelles ça? Fat cells? Des cellules grasseuses. Grasseuses. Sous la peau. Donc, c'est surtout remarquable dans la figure... C'est grasse. Ouais. Je sais pas. Ouais. Dans la figure de la patiente, donc cette Zara Hirschhorn, quelque chose genre. Sa peau est toute plissée et elle a l'air beaucoup plus vieille qu'elle l'est vraiment. Elle a 13 ans, elle a l'air d'âge quand même. T'as une photo, hein? Oui, encore une fois sur assemblagerequis.com. Ouais. Toujours pas de cure pour ça. Elle a reçu un genre de lifting, de facelift, une chirurgie, mais ça n'a pas produit des résultats si dramatiques que ça. En tout cas, je vais vous laisser aller voir l'article. Ça va être là dans les prochaines minutes. Là. Je suis le temps que je finisse la chronique. Je suis là, là. C'est vrai, je vais finir la chronique puis ça s'en vient. Okay? Le chiffre 4 est considéré malchanceux au Japon. Vous savez ça? Non? Ben, tu me l'as dit tantôt, mais... c'est sûrement... c'est ça. C'est sûrement parce que le mot japonais pour 4 est shi. S-H-I. Hein? Et shi, quoi? Shi. S-H-I. Qui est shi, là? Ferme-la. Qui a la même appellation et une prononciation similaire au mot mort en japonais. Donc, shi, 4, puis shi, mort. Nous, ce serait pour une autre raison, sûrement. C'est pas ça. Chanceux. Shi, pas chanceux. Très bon. Très bon. T'es vite. La forêt de... Restons au Japon pour commencer. La forêt de Aokigahara. Hein? À quoi qu'il y a... T'en prends des faciles le matin. C'est ça, vraiment. Elle est un endroit populaire pour se suicider. Je pourrais me renseigner un peu. Avec plus de 100 suicides par année. On l'appelle Suicide Forest ou la mer d'arbres. C'est un endroit populaire au Japon pour se suicider. À chaque année, il y a entre 50 et 100 suicides dans cette forêt-là. Le problème est tellement grave que le gouvernement là-bas a dû installer des caméras de sécurité aux entrées et les gens ont commencé à poster des pancartes, donc à planter des pancartes sur le terrain, sur la forêt, avec des informations pour une ligne anti-suicide, ce genre de choses-là. Numéro de téléphone à appeler. Un gens pour se faire conseiller. Un gens. Ah ouais. Voilà, donc, c'est dit aussi que le Japon a aussi le plus haut taux de suicide dans le monde. De 2008 à 2009, le nombre de suicides a augmenté de 15%. C'est quelque chose. C'est pas le fun du tout. Non. Sais-tu que le plus grand yo-yo du monde fait 11 pieds 6 pouces de diamètre? 11 pieds? 11 pieds 6 pouces, attention là. 11 pieds et demi, ça là. Hey, sacrifice à l'enfer. C'est assez incroyable. Puis il fonctionne? Oui, mais oui. C'est justement une des règles. Donc le jouet gigantesque a été monté par une équipe du Bay College de Escanaba au Michigan. Ça leur a pris à une équipe de 7 membres. Ça a pris 4 mois pour perfectionner cette bête, ce gros yo-yo, parce qu'il devait fonctionner comme un vrai yo-yo pour pouvoir se qualifier pour le record du monde. Le test s'est très, très, très bien passé. Le yo-yo a été relâché à une hauteur de 90 pieds. On ne sait pas quel move... Quel mouvement de yo-yo ça a fait, si c'était le petit chien, ouais, je sais pas. Ça dit pas. Hey, mais crime, c'est énorme. Hein. Puis la corde, après ça doit être aussi assez énorme. Tellement. Ah. Mais, tu sais, c'est encore drôle. S'ils le font en plastique, ça pèse pas. Ah, j'avoue. J'ai pas pensé à ça. C'est pas super lourd. T'sais, en bois, 11 pieds, ça commence à être lourd. Parce que x2, ben, dans le sens que c'est de deux barres. Ouais. Ouais, je vais pas faire semblant de tout comprendre avec ça. Avec une craque dans le milieu. Ouais, c'est ça. Mais ça dit qu'il faut juste qu'il marche comme un yo-yo, donc ça dit pas qu'il est obligé de d'être fait dans le même matériau. Mais en même temps, il y a des yo-yo. Il y a des yo-yo en plastique. En métal. En métal. En aluminium. Ça se peut. Si Mathieu Leplante le dit, en onde, à 7h31. Ne vous fiez pas trop. Je me dis que ça doit être vrai. C'est ça. Donc, arrivé ce matin, dites-le à quelqu'un. Il y a des yo-yo en stainless steel, tiens. Je suis sûr que oui. Sûrement, non. Sûrement, sur eBay, pour vrai. C'est trop lourd, je sais pas. Qu'est-ce que j'en sais? Je connais écoute, pas ça. Écoute, t'achètes ça. Si j'en vois un, je t'achète ça pour nous. Ah, ben t'es fin, je vais peut-être m'en servir. Restons dans les choses les plus grosses du monde. La plus grande omelette pèse 9700 livres, ou du moins pesait, parce que je crois pas qu'ils l'ont gardée. Hein? Ça sent mauvais après. Combien? 9700 livres. Oh, hey, ça prend combien d'eux? Ah, ben justement, parlons-en. C'était pour célébrer le World Egg Day 2010, donc la journée nationale de l'œuf 2010. Une équipe de 65 chefs de Ankara en Turquie a fait cuire a cuisiné la plus grande omelette du monde, préparée dans une poêle de 32 pieds. L'énorme plat a pris 2h30 à faire cuire, a demandé 114 gallons d'huile et un total de 114 gallons d'huile. Hey, hein? C'est de l'huile, ça, mon ami. Miam, miam, miam. Un total de 110 000 10 œufs. Et là, vraiment, 110 000 10, hein? C'est à cause du 11 01 10. J'imagine que c'est quelque chose par rapport à la date, parce que sinon, arrondi ça à 110 000. Mais... Où c'est que tu veux trouver 110 000 œufs? Ben. Puis il faut que ça se mange, cette affaire-là. Fait que c'est des œufs frais, là. Ah, ça me lève le cœur. Hey, faut que t'en pètes 110 000, non, mais. T'imagines? Prends des œufs d'autruche chez moi, non? C'est bon pour ton compost, par exemple. Parce que oui. la coquille d'œufs, c'est. Tout à fait. OK, on en a quelques derniers à faire et je vais vraiment les faire parce qu'ils sont super intéressants. Sais-tu que les cheetahs. Les animaux, les cheetahs? Les cheetahs, ouais, les. Comment t'appelles ça? En français, là, c'est des pas des gazelles. C'est pas des gazelles? Non, c'est. Comment t'appelles ça? Ben. Pas des guenons, non? Non, vraiment pas des guenons, non? C'est quoi? Non, vraiment pas. Attends, je vais te trouver. Cheetah. Départ. C'est Stéphanie. Une chose que Stéphanie est là dans la vie, sinon je me demande bien qu'est-ce qu'on ferait. Cheetah. Donc. Un guépard est capable de changer de direction en plein dans les airs, en tournant comme sur un dixaine, comme ils disent, c'est vrai. Ouais. À des vitesses de 70 000 à l'heure pour un guépard, c'est quand même impressionnant que ça puisse faire ça. Donc, ça tourne à cause de... le secret, c'est ses griffes, ses mains, exactement, tout à fait. C'est un animal parmi seulement 4 types de félins, si on veut, qui a des griffes complètement rétractables à l'intérieur de sa patte. Donc, comme ça, je sais pas, avec la traction ajoutée et sa longue queue qui fait un genre d'équilibre. Là, fouing, tourne sur un dixaine, j'aime ça. Et c'est des belles bêtes, hein? Très, très, très belles bêtes. Je vois des photos, là, puis... La nicotine a été nommée d'après Jean Nicot. C'est lui qui a amené le tabac en France. Tout à fait, Jean Nicot, je savais pas ça. C'était au milieu du 16e siècle. Nicot qui était l'ambassadeur français au Portugal. Un ami à Lisbonne qui était botaniste. Botaniste, est-ce que ça se dit? A invité Nico à souper et lui a montré une plante de tabac qui faisait pousser dans son jardin. L'ami a dit à Nico que le tabac avait des propriétés de... comment dire? Healing. Stéphanie va nous aider avec tous les mots. Tant qu'à, je vais même pas me forcer. Healing. C'est quand une plaie, mettons, va se colmater, genre. Ça aide. Elle ne répond pas, là. Elle me répond pas. Bon, laisse faire voir. Bref, ça a des propriétés pour ça, pour régler des problèmes, des blessures, si on veut. Donc, Nico était convaincu à cause de ça. Est-ce que tu m'as dit un mot que j'ai pas entendu? Guérir, ah, facile de même, tant qu'à ça. Hein? Donc, Nico a éventuellement envoyé du tabac à la reine de France. La reine de France, oui. Qui souffrait d'une migraine chronique. François, ça pourrait t'aider aussi. Oui, elle s'est roulée ça, puis... Quelque chose du genre. Donc, la reine a dit que le tabac allait dorénavant s'appeler Herba Regina, ou l'herbe de la reine. Mm-hmm. Donc, amener le tabac en France était dans le fond, ce qui a rendu Nico célèbre. Et depuis ce temps-là, on lui a rendu honneur en renommant la plante du tabac à son nom, Nicotiana tabacum. On aurait dû appeler le cancer du poumon comme ça. C'est ce qu'on dit, cancerus pulmonus. Et de façon encore plus importante, le stimulant... si on veut, on dirait en mauvais français addictif, accrocheur ou je sais pas qui rend accro, la nicotine. Une dépendance. Dépendance, tout à fait. Et la dernière chose à dire, le dernier fait, dans cette très très très longue chronique, c'est un fait, mais qui est sûrement peut-être intéressante à au moins à quelques pourcents. À quelques pourcents de... Un peu comme il y a de tabac, de nicotine dans une cigarette. Il y en a vraiment pas beaucoup, mais... C'est ça. Mais c'est assez... Ben, c'est ça représente bien la chronique. Donc. Ouais, je pense que oui. Elvis n'a fait qu'une seule publicité dans sa vie. C'est Simon Fitzbeck qui serait heureux de savoir ça, sûrement qu'il sait déjà. Une seule publicité dans sa vie, enregistrée en 1954 pour Southern Made Donuts, compagnie de Bang. Ça a été diffusé ouais, dans le Louisiana Hayride Country Music Show. Malheureusement, le jingle a été diffusé une seule fois et aucun enregistrement n'a été conservé. Ah ouais? Donc... Ouais. N'existe plus. Et voilà. Quelqu'un qui a appelé à une station de radio l'émission de George Klein qui dit qu'il avait obtenu la publicité en 2009, mais on a seulement les paroles pour l'instant, on n'a rien de plus. Les paroles sont les suivantes. You can get them piping hot after 4 p.m. You can get them piping hot. Southern made donuts hit the spot. You can get them piping hot after 4 p.m. Ça, c'est un jingle répétitif à souhait. Tu veux que je le traduis? Non, non, non, mais tu peux-tu le répéter, mais avec une voix plus grave puis un petit peu plus lent? You can get them piping hot after 4 p.m. You can get them piping hot, so they made donuts at the spot. You can get them piping hot at 4 p.m. Hein? Wow! Hey, c'est-tu pas beau, ça? Le matin, ça me fait capoter, Mathieu, j'ai des frissons. Hein. C'est tout le temps la faute à François qui me fait chanter des affaires, c'est pas vrai. Vraiment pas fin, je trouve. Ouais, comme tu chantes super bien en plus. C'est ça. Hey, check, je viens de recevoir un courriel. Wow, l'auditeur n'en revient tout simplement pas. C'est un contrat. De ton talent. Hein? Oui, il t'invite au karaoké. Le mardi soir, ici à la chaise de galerie de l'EQTA. Ouais, il dit pas où, par exemple. Ah non, ok, bon. Voilà, donc, pour cet fait aujourd'hui, il y aura d'autres faits dans une future émission d'Assemblage requis. Probablement demain. You can get them piping hot after 4 p.m. Wow! C'est super beau avec ta moustache, en plus. Ah, merci. Ben, une chance que les gens ne voient pas ça à la radio. En tout cas, ceux qui n'ont pas la technologie, on n'est pas encore rendu là. C'est pareil, il y en a quelques-uns, mais bon. Ouais. On n'est pas au courant. Pas au courant. Pas au courant. Pas au courant de ça. C'est long le temps à date depuis. Non, tantôt? pas super. Hein? Vas-y. Non. Par contre, on pourrait aller en publicité et puis revenir avec une bonne pièce. Ok. Ben, toi de bord, si tu veux qu'on aille en publicité, il va falloir que tu me chantes un jingle d'assemblage requis. Attention, et go, vas-y. Là, tu m'aides pas avec la petite chanson? Ben non. Ok, bon, on va aller entendre une pièce maintenant. Ah! Oh. Oh. Non. Hey, je suis pas un chanteur. J'ai super mal dans le coup, Mathieu. Juste le jingle d'assemblage requis, ça va faire. Ok. 3, 2, 1, vas-y. Et pub. Crime, t'as fermé mon micro? Vous cherchez l'ambiance unique pour votre événement? C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage requis au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, la seule, l'unique, la meilleure. Quotidien marketing, mais je suis capable d'en faire des slogans, moi aussi. Exact. Puis ça sonnait comme une tonne de briques, Mathieu. Oui, oui, une tonne de briques en plein dans ta face. C'est douloureux un peu, là. Ouais. Ou sur le coco. OK, tu t'en vas avec ça? Coco, omelette. Ah, Colin, blague. Puis là, c'est moi qui. Tu me dis à moi d'habitude que je fais des blagues que personne comprend, c'est ça? Puis là, mais tu vas faire une blague sur quelque chose qui s'est passé il y a 5 minutes, là. Oui, mais j'allais expliquer. Oui, mais en bon, tout cas. Bon, c'est correct. Garde. Passe à autre chose. Ben oui. Juge-moi pas, laisse-moi vivre. Casse pas tous tes œufs dans le même panier, hein? Non, mais qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui te dit juge-moi pas et laisse-moi vivre? Ouais. J'avoue, c'est quoi, c'est ta blonde qui dit ça? Non, c'est moi qui dis ça. OK, ouais, sympathique quand même, hein? J'aimerais ça. Hey, mais elle capote, elle déteste ça quand je lui dis. C'est très, très drôle. Ouais. Mais c'est un petit truc comme ça, là, aux gens là, qui écoutent, là, si. Hein? Si vous voulez dire. Quelque chose. Hein. Quelqu'un qui dit un reproche de temps en temps. J'utilise mon doigt, je vais utiliser mon droit de veto. On va passer au prochain appel. On va juger Stéphanie avec son plat favori. Bon matin, Stéphanie Gagné. Bon matin, Mathieu Plante. Bon matin, Stéphanie Gagné. Bon matin, François-Olivier Marchand. Bon matin, François-Olivier Marchand. Merci. On a tout dit salut à tout le monde, ça va? Je t'ai pas dit salut. Ah, fuck. Colin, déplaisant. Laisse-moi vivre, juge-moi pas. Donc, Stéphanie qui nous présente ses coups de cœur artistiques, culturels, cinématographiques. Et là, je commence à manquer de mots, mais c'est souvent de la musique. Hein. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est pas de la musique. Oh, yes! J'aime ça quand tu nous varies les affaires. Aujourd'hui, c'est un film. Oh! Un très vieux film. Ça va maintenant servir à quelque chose que je dise et cinématographique quand je présente ta chronique, parce que d'habitude, c'est rarement. Non, mais la semaine dernière aussi, c'était. Ouais, c'était une vidéo d'Alexandre Dosti. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas de musique. Ben, t'es pas pire bonne. Je trouve pas pire bonne. C'est quoi le film si tu. Non, je dirais rien. Non, dis rien. Vous savez comment j'aime les années 80? Toi, non. Je sais pas si tu savais. Non, je savais pas du tout. J'ai mais je le vois avec tes cheveux, là, ça paraît. Ah, ça, c'est mes cheveux du matin. C'est pas vrai. Non, mais Mathieu est sûr que j'adore les années 80. Ça fait plusieurs fois qu'à une chronique, j'amène quelque chose des années 80. Breakfast Club, des trucs comme ça. Oui, ben justement, ça a un lien avec Breakfast Club. J'avais déjà fait une chronique sur John Hughes, qui est celui qui a fait Breakfast Club, Pretty in Pink. Qui est décédé récemment. Qui est décédé l'année passée. Et cette semaine, je me suis acheté 16 Candles que j'avais pas, mais que j'avais déjà vu, et Ferris Bueller's Day Off que j'avais pas non plus, et qui, ben pour nous autres, c'est pas vraiment un classique parce qu'on est un peu trop jeunes. Ouais. Mais j'en ai parlé avec mon père, puis mon père, il était là, oh mon Dieu, c'est tellement bon ce film-là, puis mon père il capotait. Est-ce qu'il parlait avec un accent comme ça en plus? Oh mon Dieu, c'est tellement bon! Non, on parle pas avec Max. Donc, c'est ça. C'est Ferris Bueller's Day Off, un autre film de John Hughes qui est sorti en 86. C'est avec Matthew Broderick, qui fait aussi beaucoup de théâtre sur Broadway. C'est lui qui fait le rôle de Ferris Bueller. Et dans le fond, c'est l'histoire de Ferris Bueller, une journée de printemps qui fait super beau. Il décide de faire semblant d'être malade et de pas aller à l'école. Puis il pousse son meilleur ami Cameron et sa blonde Sloane à ne pas aller à l'école non plus. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il fait semblant d'être malade, mais il est vraiment mauvais acteur. Puis ses parents, ils le croient tellement, c'est leur petit chouchou, pendant que sa sœur Ginny fait n'importe quelle petite affaire, puis ses parents, là, ils vont la condamner, là. C'est vraiment très, très drôle. C'est pas dans le film que Jennifer Aniston joue, c'était dans la série télé basée sur Ferris Bueller, je pense. Jennifer Aniston n'est pas dans le film? Non, Jennifer Aniston n'est pas dans le film. D'accord, mais si vous trouvez d'une façon ou d'une autre la série Ferris Bueller, il me semble que c'est Jennifer Aniston qui joue là-dedans. Si je me rappelle bien. J'ai pas regardé ça. Sloane et Cameron, c'est pas des acteurs connus, mais Jeannie, qui joue la sœur de Ferris Bueller, c'est celle qui joue dans Dirty Dancing. Jennifer Grey. C'est ça, Jennifer Grey, exactement. C'est elle qui joue Jeannie. Puis aussi, Jeannie... finit avec un gars qu'elle rencontre au poste de police et c'est Charlie Sheen qu'on connaît pour Two Men, je sais pas quoi. Two Men, One Cup. Two Men, One Cup. Two and a Half Men. Two and a Half Men, c'est ça. Puis Charlie Sheen, c'est le frère de Emilio Estevez qui a joué dans Breakfast Club. Oui, crème, c'est juste les 6 degrés de séparation. Hein. Emilio Estevez, lui, il a pas joué aussi dans les Mighty Ducks? Oui, c'est oui. Ouais. Ouais. Mais c'est le mieux d'Aramé qui n'arrête pas d'en parler de ce film-là. Donc, alors, bref, oui. Dans le fond, le film, c'est super drôle parce qu'il décide de passer la journée à Chicago. Mais dans le fond, il invente toute une histoire pour réussir à sortir sa blonde de l'école. Puis il fait semblant que sa grand-mère est morte. Fait que là, le directeur fait « Oh mon Dieu, c'est Ferris Bueller qui essaie de me crosser. » Fait que là, Fais attention à ton langage, s'il te plaît, crosser. On dirait que ça a résonné dans mes oreilles. Fait que là, il parle au téléphone, puis il dit « Ah ouais, c'est la grand-mère est morte, nanana. » Puis il pense, il se dit qu'il parle à Ferris Bueller qui fait semblant d'être le père de sa blonde. Mais finalement, Ferris Bueller appelle sur l'autre ligne, donc le directeur se sent super mal, tout ça, c'est super drôle. Et finalement, le directeur se pointe chez Ferris Bueller et essaye de trouver un moyen de savoir si Ferris Bueller est vraiment malade. Et même chose pour Jeannie, qui décide de s'en aller de l'école pour trouver son frère, pour montrer à ses parents que son frère il a fait semblant d'être malade. Et pendant ce temps-là, eux autres, ils se promènent partout dans la ville de Chicago. Ils sont dans un restaurant super chic, puis ils se prennent pour un vendeur super riche de salami, je pense, de la ville de Chicago. En tout cas, c'est super drôle. Ils s'en vont à une game de baseball. Ils partent avec une belle auto du père de Cameron. Puis finalement, l'auto finit par prendre le bord. Puis c'est comme, il y a juste 100 autos comme ça qui ont été faites au monde. Donc le Cameron va vraiment se faire tuer par son père. C'est vraiment c'est très, très drôle comme film. J'ai vraiment aimé. Ça manque à ma culture, ça aussi. Ça, c'est Forrest Gump, hein? Ferris Bueller's Day Off. C'est le film là, où on entend la réplique souvent est parodiée. Bueller! Bueller! Bueller! Et c'est ce qu'on va entendre, parce qu'il n'y a pas vraiment de pièce qui ressort comme dans Breakfast Club avec Simple Minds, mais je vais vous faire écouter une genre de bande sonore de 1 minute quelques qu'on va entendre Bueller dedans. C'était lequel? Peux-tu juste me rappeler c'est quoi le nom du vidéo? De quoi comme Ferris Bueller's Day Off? C'était 1 minute 10 de Jonenzis Productions, je sais pas quoi. Ok, je te trouve ça dans les prochaines secondes, ça s'en vient. Ah, ok, c'est bon. C'est long, mais à un moment donné, on finit par s'arrêter. Hein? C'est le silence. Ça dans sera le vidéo. Pas long. Il est dans le vidéo, le silence, pas moi. Bueller. Bueller. Bueller. Bueller. Are you also aware, Mrs. Bueller, that Ferris does not have what we consider to be an exemplary attendance record? Look, I can give you every assurance, Mr. Rooney, that Ferris is home and he is very good. We'll shake it up, baby, now. Something's going on, goddammit. I'm gonna find out what it is. I'm gonna catch this kid and I'm gonna put one hell of a dent in his future. What is so dangerous about a character like Ferris Bueller is he gives good kids bad ideas. Alors voilà, comme ça de Ferris Bueller. Yeah, thanks man! Avec le bout où il fait du lip-sync sur Twist and Shout dans une parade dans la ville. C'est vraiment bon. C'est un classique, un film culte, je pense que ça, c'est un mot qui s'applique à oui, ça. Mais si vous avez un film culte à écouter Breakfast Club, puis après ça, Ferris Bueller. OK, dans ton palmarès, là, position numéro 1, Breakfast oui, Club. Oui. Position numéro 1, ex aequo, aussi, Ferris Bueller's Day Off, non? Puis numéro 2. Sixteen Candles aussi. Position numéro 1, ça aussi, ouais. Puis, puis Pretty in Pink. OK, ouais. Puis, un autre film qui n'est pas de Pretty Johnny. Pretty in Pink. Pretty in Pink. C'est quoi ça en français? C'est Rose Bonbon. Ah, oh, ça a tellement de l'air bon, là. C'est le même genre de film, là. Tu sais, vraiment, kitsch. C'est la même actrice que Sixteen Candles et dans Breakfast Club, Molly Ringwald de la Rousse. Et c'est vraiment bon. Ouais. Il y a aussi Saint Elmo's Fire, qui n'est pas un film de John Hughes, mais qui est avec plusieurs des mêmes acteurs que Breakfast Club. Qui est tellement bon. Mais Saint Elmo's Fire, c'est un petit peu plus mature. C'est quand ils sont ils ont fini leur collège puis ils commencent à avoir des jobs. Là. C'est un peu plus vieux. Ça fait une longue liste de films à regarder, mais que du bon! Que du bon! Bonbon! Que du rose bonbon! Oui, on aime ça les années 80. Merci Stéphanie. Ben de rien. Super de Steph. Ouais. Moi, tu sais qu'à chaque semaine, dans ton plat favori... Tu ripostes. Je riposte. Ah, c'est une belle façon de le dire. Je riposte et puis je trouve quelque chose pour t'impressionner peut-être un petit peu. Puis moi, c'est une série de vidéos que j'ai vraiment bien aimée. Ça s'appelle... Attends un peu que je retrouve ça. C'est le nom exactement de la chose. Tech Mom. Voilà, c'est la série Tech Mom. Parce que tu sais, les parents, ça comprend pas souvent la technologie, tu sais. Le okay. cliché, c'est que bon, tu sais, la mère va écrire à son fils, hey, tu sais, je suis pas capable de faire marcher Hotmail sur mon computer. Bon. Donc, c'est une parodie de ces affaires-là et c'est une mère. En tout cas, je vais te laisser entendre puis tu me diras ce que t'en penses après. Juste, c'est en anglais, là, mais bon, quand même. C'est pas très, très long. Welcome to Tech Mom, the podcast where this helpless mom reviews new technology and tries not to mess it up too bad. I'm not tech savvy, but I'll help if I can. I'm the Tech Mom. Apple really shouldn't have given me an iPad, knowing what adult I am with this stuff. And surprise, surprise, I've already had problems. I tried loading a movie for my kids, and the darn thing disrupted my VPN intranet. Boo! From what I can see, the iPad's DHCP client software stops renewing its leases on its IP address, but then it keeps Donc, elle est en train de dire qu'elle a des problèmes avec son iPad, elle s'est fait donner un iPad, puis là, elle n'est pas capable de faire marcher quelque chose dessus. Fait que là, elle se met à parler des termes techniques, là, tu sais, comme de quoi que la mère, elle connaît vraiment, vraiment sa technologie. Elle est en train de parler qu'elle a le VPN dans son DHCP, sur son adresse IP, de son. Peu importe, c'est ça qui est drôle. For my kids. I can't risk Apple releasing a patch when I'm not home to find a workaround. So there you have it. The iPad may have ambient light sensors, and its 1 gigahertz A4 chip and accelerometers may work great, but when it comes to this tech mom, this whoosie what's it's a bit too complicated. Honey? What is it, Gary? How do you copy and paste out of e-books? The iPad won't let me. Oh, Gary, c'est son chum qui demande comment copier-coller sur un e-book. Là, elle parle de copier l'affaire, le texte dans la barre d'adresse, puis le recopier-coller dans une autre application. Fait qu'elle connaît toute la mère. Et de même. C'est cool, c'est pas ma mère qui ferait ça, t'as vu? Non. Ah non. C'est pas grand-mère, je trouve. C'est par UCBComedy.com, donc la troupe de comédie. Il y en a plein d'autres. Là. Il y en a un, entre autres, où il reçoit du courrier de ses fans. Puis, en tout cas, c'est super la fin. Teen Mom. Tech Mom, excuse-moi. Teen Mom. Teen Mom, sinon. Qu'est-ce que tu regardes, t'as vu? Ouais, c'est ça. Fait que, Tech Mom. J'aime ça. Bon, on va faire. Allez les voir sur assemblagerequis.com, le lien est juste là dans la section. Ah, Mathieu. Ah, François. Ah, Stéphanie. Ah, Danny. Ah, il y en a plein d'autres demain. Bon. Ah, c'est le fun. Retournons sur Teen Mom. La semaine prochaine. Teen Mom, ça, là. Teen Mom, si vous n'avez pas vu ça, là, c'est une série télé qui montre des mères adolescentes et leur vie avec des enfants beaucoup trop jeunes qu'ils ont eu beaucoup trop jeunes, tu sais. Ah, comme ma mère. C'est ça. Genre, elle est dedans, j'ai vu. Ah, oh, je suis sûr. Ah, question de tranche de vie. Ici, c'était bien partagé, je trouve, Stéphanie. La semaine prochaine, on te retrouve jeudi, en fait, au Palmarès C'est fou et à une pêche en mission. Ça, c'est entre 14h et 18h. Et puis, sinon, il y a aussi la chronique Take Me Out, les lundis. Oui. Take me out to the bar. Non, Take Me Out. Pas de baseball. Pas de baseball. Pas de baseball. Pas de septième manche. Pas de stade. Pas de hot dog. Pas de première manche. Pas de manche. Cracker Jack. Pas de balle. Pas de bâton. Pas de plaisir, quoi. Exactement. Ça résume tellement bien la chronique, hein? T'es fin, François. C'est ça. C'est ta qualité principale. Ouais. Là, comme... Ouais. Moi, je l'aime pas, François. Olivier Marchand. Il est méchant avec moi. François. Olivier Marchand. Olivier. Ah, tu fais la faute que tout le monde fait. Il n'y a personne qui fait cette faute-là, François. Livier? Livier. Hey, tu trouves que ce nom-là ou c'est moi? François Olivier. Le monde le prononce quand peut-être je mal. Vite. Ouais, c'est ça, exact. François le monde. Olivier. C'est ça? Faut que je le dise vite. Je l'ai dit vite. Non. C'est une faute. C'est mon nom. C'est moi qui. Ok, on va t'appeler Frank Liver d'abord. Oh, ça, j'aime ça. Liver 2000. Comme le savon. Liver 2000. Non. Savon qui pue, là. Non. Ouais, bon. Premièrement, ça sent bon. Ok. Hein? D'accord. Deuxième. Le savon ou toi? Les deux? Pas d'accord. Pas d'accord avec quoi? Le savon pue, mais je sens bon. Hein? Merci. On arrête ça là. Totally ridiculous. Ça va faire. Je mets encore mon droit de veto là-dessus. On arrête ici. Yeah, parfait. Merci Matt. Merci beaucoup Stéphanie. À la semaine prochaine. Bye on bye. A tellement hâte là. Ou plus tard cette semaine. Ouais. Aïe aïe. On a entendu le coup que tu as donné. Aïe. C'est pas une bonne affaire ça là. On l'a entendu. J'ai mal à la tête, j'ai mal à le cou là. Avec que... un foulard mou. Peut-être que si elle te frappe assez fort, ça va te remettre tout droit. C'est comme les ramancheurs. Ouais, peut-être.

Merci beaucoup, Monsieur Ollery. On le retrouve tous les mardis ici dans Assemblage requis entre 7h et 9h. La même capsule joue aussi dans Dîner de con entre 11h et 13h avec Danny Janvier et entre Rock Révélé et Réanimation. C'est à 21h environ tous les mardis soirs. Donc, c'est le Regis Day ici. Ah, c'est fou, hein? Après le Simon Fitzday, le Regis Day. C'est ça. Il n'y a pas de jeu de mots à faire, par exemple. Hein? C'est Day. Mardi Gis. Mardis? Parce qu'on pourrait pas dire mardellerie, c'est Marcel. C'est comme ça, fait pas bien. Fait. Ouais. Eh, donc, on continue en publicité. Au retour, Monsieur Lemieux Laramé. Oui, avec sa chronique télécharge quoi, il va arriver en direct de Neptune. On va le rejoindre avec notre satellite si notre fenêtre satellite veut bien se rendre jusqu'à sa destination. Si la température le veut. Ah, c'est ça, avec la pluie, des fois, ça va pas très, très bien. Info Campus, puis on revient juste après. Restez avec nous. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est le mardi 23 novembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Tousignan-Plante. Oui, merci François. T'es vraiment, vraiment sympathique de le rappeler à chaque fois. Faut pas le cacher, ce beau nom de famille. Ah, je m'assume pleinement. C'est pas ça. Est-ce que je trouve ça beau, par contre, un petit peu moins? Ben là, de toute façon, si tu t'assumes, t'as pas à trouver ça beau. Ouais, mais tu peux éviter aussi. T'assumes ta moustache? Ah, ma moustache, je l'assume pleinement aussi. Commence de plus. Ouais, Thibon avait raison avec son pinceau. Hein, c'est vraiment l'impression que ça donne. J'ai l'impression d'avoir un pinceau sous le nez. Ah, moi aussi. C'est comme ça. Ça me rentre dans la lèvre. C'est vraiment le fun. Ça achève, par exemple. Faut pas désespérer. Ouais, ben, juste pour rappeler aux gens qui sont pas au courant, on est dans le plus que le milieu. On est rendu dans trois quarts du Movember, le mois pour le cancer de la prostate. Hein? Et puis Maxime participe pas à ça, lui. Non. À cause de sa job. Ben, pas à cause de ma job, là. Pas juste à cause de ma job, là. Ça a l'air aucunement professionnel, ce que vous avez d'en face, là, les gars. Je sais bien, mais c'est pas grave, ça. Professionnalisme, who cares? Non, mais peut-être la dernière semaine, là, je vais penser à quelque chose. Ah ouais, OK. Ça poussera pas bien vite, par exemple? Ben, moi, j'ai une moustache... Viril! De fer! Rince-toi les sourcils, mets ça à la place de moustache. Ça va faire très beau. Bonne idée. La voix que vous entendez là, c'est celle de Maxime Lemieux-Laramé. Qui, sa voix serait avant son corps. Oui, Maxime, voici Télécharge quoi, en direct via satellite de Neptune. Ah! Bon! Ma voix rejoint mon corps, enfin. Ben, c'est pour ça qu'il y a un délai, le satellite, c'est pas facile, là. En 2010, encore aujourd'hui, des fois, t'as un petit délai entre la voix et le... Des difficultés au niveau. Ouais. Alors, bonjour, ben, moustachu. Comme ça fait à TV, tu sais. À TV, ça fait ça des fois, les animaux. Ah, ouais. Vas-y. Laisse-moi finir. Ça fait tout le temps ça, hein, sérieux, aux chaînes de nouvelles. Bref, Maxime, Télécharge quoi? C'est ta chronique de suggestions musicales. Tu as découvert des choses cette semaine et tu veux les partager avec les gens des autres planètes. Exactement. Ben, de votre planète. Ah, notre planète, merci. Ouais. Alors, c'est ça. Puis aussi, je tenais à... Je vais profiter du beau temps pour souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous nos auditeurs. Oui, Saint-Valentin. Thanksgiving en anglais, c'est petit ça? Petit cœur, c'est ça, Thanksgiving, Saint-Valentin. Alors, félicitations à tous. Et puis... Gobble. Commençons. Oui. Amorçons. Alors, cette semaine, presque la dernière du mois de novembre. Oui. Il va en rester un peu la prochaine semaine. Donc, la première chronique du mois, c'est la première. Après ça, t'as presque la première, t'as presque la dernière et t'as la dernière. Exactement. Alors, je commence... Un nouveau hit de Cut Copy, groupe australien, Melbourne. Mais j'ai vu en fin de semaine dans les cantons de l'Est, il y a une municipalité qui s'appelle Melbourne aussi. Alors, ah ouais, pour vrai? Ben, ça aurait pu venir de là. Ben non, mais ils viennent vraiment de l'Australie, eux autres. Donc, la pièce que j'ai choisie, je l'ai trouvée sur le net. Ça s'appelle Take Me Over, qui va probablement être sur leur prochain album, qui s'appelle, nom un peu étrange, Zonoscope. Zonoscope. Zonoscope. Zonoscope. Donc, Zonoscope, 8 février 2011, dans les magasins. Dans les bacs. Dans les mags. Alors, on écoute 4 copies tout de suite, Take Me Over. Vous êtes toujours à Télécharge quoi? Dans Assemblage Rookie. Dans Assemblage Rookie. Inside. Inside it. Tu le disais si bien. Hein? Ça va être le premier simple de l'album, Zonoscope. Je te l'ai dit, hein? Ouais, tu me l'as bien dit. Je lui envoie des liens, mais. Tu regardes pas même. C'est ça, je vérifie pas les liens. Alors, c'était Cut Copy, la pièce Take Me Over. Alors, à suivre. Oui, très très bon. J'ai hâte d'en réentendre, pour vrai. On va peut-être en réentendre éventuellement. Faudrait bien. Ultérieurement. Une fois de temps en temps, Assemblage Rookie pourrait s'inspirer de tes nouveautés, télécharge pas. Des fois. Des fois. Alors, prochain artiste, Soufiane Stevens, qui a lancé, qui l'a garoché. Oui. Un album début du mois d'octobre dernier. The Age of Odds. Odds. Odds. Toi aussi, t'as fait des recherches. Odds. Hein? T'as fait des recherches. Comment le dire? Ouais. Ben, je me suis dit que ça doit ressembler à Oz. What? Wizard of Odds. Ils disent Odds comme dans ODDS, comme si okay. C'était ODDS. OK. The Age of Odds. Pourquoi? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Mais ça s'écrit ADZ, c'est ça? Alors, tu connais Sufjan Stevens? Ben, je le connais parce que j'ai cherché pour le faire jouer à la radio, mais c'est tout ce que je connais de lui. Je connaissais pas ses précédents CD du tout. Ah, OK. Hein. Du tout. Donc, c'est ça, la pièce qu'on va entendre, c'est Too Much. Moi, je connais pas l'album au complet. J'ai entendu cette pièce-là parce que tout récemment, il y a un vidéoclip qui a été conçu pour cette pièce. Un de mes bons amis, fiable, m'a dit que c'était un peu plus expérimental que ses autres albums. Il est allé le voir en spectacle, justement, à Montréal. Et puis, c'est ça, on va aller écouter la pièce Too Much. Too Much, c'est quoi en français? Trop? Ben, too trop, much. C'est too much, on dit en français aussi, c'est too much. Ouais, c'est vrai, c'est un mot français. C'est vraiment too much, Max, je trouve. C'est ouais. Toi qui es too much. Non. Ah, t'es too much. Oh, cool. Avec mes pantalons trop serrés aujourd'hui. Oh, too much. Beau t-shirt. Merci, Ben. Ça me fait penser un peu justement au clip de Sufjan Stevens. Ah-ha. Plein de couleurs, fluo, puis... On dirait un écran de veille de Windows aussi, dans le temps. Oui, je pense que ça s'appelle, il y a des tuyaux partout, c'était drôle, c'est des tuyaux. Ça, j'ai acheté. Ah, OK. Pince sur play. OK. OK. Si tu veux. C'était Sufjan Stevens. Sufjan Stevens, la pièce Too Much de son plus récent album The Age of Odds. C'est vraiment excellent. Ça m'a rappelé par moments un petit peu Passion Pit. Ouais. Par d'autres moments, genre un film de Disney. Comme. Ouais. Ça m'a fait penser au début à Dirty Projectors, un groupe que j'écoutais peut-être l'année passée ou l'année d'avant. Alors, c'était Sufjan. J'aime ça. C'est comme Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Je trouve ça bien drôle. Mais j'ai pas dit Fallon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Fallon. Fallon, l'année passée, tu m'avais dit Fallon. Fallon, ouais. J'ai retenu. C'est drôle. En tout cas, il faut l'entendre pour être capable de le dire. Parce c'est que, ça. En le lisant, c'est pas toujours évident. Ouais, prends pas ça mal, je ris pas du tout, toi. Ben non, puis même si tu ris de moi, ça me dérange pas. Non, c'est ça. Tu le fais déjà assez avec moi. Ouais. Un peu comme François, tout le monde s'achante sur moi. Tout le monde s'achante sur toi. Tu fais tellement pitié, Mathieu. Oh, mais là, c'est pour ce là. T'es la risée de ouais. L'université. Ouais. Alors, dernier groupe. Merci. Dont je voulais parler, c'est le groupe qui s'intitule simplement Girls, au pluriel. Groupe de San Francisco, qui avait sorti un album qui s'intitulait Album l'année passée. J'en avais discuté là, ici. Dans ma chronique Télécharge quoi, qui existe quand même depuis plus d'un an. Hein. Ben oui. Faut le dire. Presque autant qu'Assemblage requis. Hein? À peu près en même temps qu'Assemblage requis. À peu près. C'est ça, Girls sort un maxi le 22 novembre prochain. 22 novembre, disons aujourd'hui, pour être plus précis. Ouais. Ou hier, c'était le 22, mais là on est mardi, c'est le jour décidé. Ouais, c'est ça, ouais, d'habitude, les sorties, c'est un maxi, c'est peut-être différent, je sais pas. Ah, j'avoue, sur iTunes, tu peux choisir la date comme tu veux, hein, pas mal. Hein? Ouais. Alors, qui s'intitule Broken Dreams Club. Broken Dreams Club, c'est ça. Tu peux le traduire si tu veux. Broken Dreams Club. Le club des rêves brisés. Ouais, c'est ça. c'est comme Heartbreak High. Harte les cœurs à vif en français. C'est ça? Harte les cœurs à vif. Ouais. Donc, la pièce que j'ai choisie, c'est Heartbreaker. Comme Hartley, cœur à vie. Comme Hartley. C'est pareil comme Hartley. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est nous autres. C'est moi. Alors, on écoute ça tout de suite. Télécharge quoi? Assemblage requis. C'est fou. C'est fou. 89 ans. QTR. Ils ont le campus. IGA. Mauricie. Ouais. La pièce Heartbreaker du groupe Girls. Et Girls c'est... just wanna have fun. Exactement. Eh boy. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et puis la pièce se retrouve sur le maxi. Alors maxi, on le répète, c'est un album court. Oui, un album de quelques pièces seulement. Quelques pièces seulement. Qui s'intitule Broken Dreams Club. Club. Club, club, club. Alors, that's it. That's it? That's it. Au revoir. Merci. C'était merci, bien plaisant. Maxime. Ouais. Ouais. Ouais. Plaisant. Ouais. Il faut que je quitte là. Incessamment. Ouais, c'est ça. Je suis allé partir mon vaisseau spatial entre la toune. Ouais, il se réchauffe. Il se réchauffe. Avec la pluie, je sais pas. Partir les wipers. Faut que tu laisses la toune. C'est bon. Ouais. Ben, la semaine prochaine, mardi à 8h30. Merci. Pour la dernière du mois de novembre. Oui. 8h, c'est correct? 8h, excuse-moi, 8h. Oui, okay. C'est ça. Oh, c'est parfait. Là, il est 8h30 presque. Ouais, là, il est 8h. C'est ça. Bon, ben salut, salut, salut. Bye. Bye. Bye. S'en va, là, gars, François. Hey! Bye. Bye. C'est toujours Assemblage requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Il nous reste encore une demi-heure ensemble. Demi-heure. On va recevoir Émilie Gauthier au retour de la pause. It's gonna be great. It's gonna be great. It's gonna be amazing. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais pas la barre trop haute. Ça, c'est pas fin, fin, ça. Pas fin, ouais, c'est pas vrai. Ouais. C'est fou! Ça pique, pique, pique, la barre est sale, ça gratte, gratte, gratte, gratte, gratte. C'est fou, ça! 89 heures. Pique, pique, pique, pique, pique, pique, vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou! Oui, c'est toujours Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées avec F.O. et Matt. F.O. et Matt. Je mets des surnoms des fois, une fois de temps en temps, Matt. Jusqu'à 9. 9 A.M. 9. Non, 9, t'as l'air d'un Allemand. 9. Bon. On écoute Diamond Rings et on revient avec Émilie Gauthier et sa chronique plein air. Restez là. Restez là. Be there. Stop taking

aurait facilement pu être comme deux fois plus longue cette pièce-là, puis ça aurait été bien correct. Winter Loves avec Jump. Leur album au complet, comme ça, des petites pièces beaucoup, beaucoup trop courtes, comme qu'il faut que tu réécoutes deux fois chaque pour avoir un CD complet. C'est comme ça. C'est bon, par exemple. Oui. C'est très bon. Très Et c'est, bon. Pour, c'est le pourquoi de ton intervention, d'ailleurs. Oui. Parce que ça n'aurait pas été bon. On n'aurait pas voulu que ça dure deux fois plus longtemps. Exactement. C'est un bon compliment, je pense, à avoir envers un groupe. Bref, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On remercie tous ceux qui ont participé, c'est-à-dire Stéphanie Gagné, Maxime Lemieux-Laramé et Émilie Gauthier. On se retrouve demain Mathieu matin. Mathieu Plante aussi. Oui, François-Olivier moyennement aussi, oui. Merci. Qu'est-ce qu'on a demain à l'émission mercredi? Demain, mercredi, on reçoit une personne, en fait, qui va venir nous parler du carnaval. Ah, le carnaval étudiant 2010, ici, à l'UQTR. Oui, c'est ça, exactement. On reçoit aussi, d'ailleurs, Bobby McNeil. Buddy McNeil and the Magic Mirrors en entrevue demain matin, oui. Exactement. C'est une formation de musique. Exactement. Et puis... On a Vincent Gauthier du Journal de Québec aussi pour parler de sports, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, c'est le plan de demain à Assemblage requis. Soyez-y entre 7h et 9h. D'ici là, sur nos ondes, soyez à l'écoute pour le dîner de con à 11h avec Danny Janvier et Charles-André Lambert, son petit matelot. Hein? Les capitaines. Ginger, pis tout, là. Ginger, sont entre 11h et 13h dans le dîner de con. En après-midi, le voyage de Célite à 13h. En rappel, même chose pour une plus belle chambition à 15h. Ensuite, on revient en direct avec On se la joue et Roxane et Marie-Michel. Ça, c'est à 16h. À 17h, c'est 6 degrés avec Kim Bergeron, Kimmy Birch. Puis en soirée, Rock Révélé et Réanimation. J'aime ça la plus même. Kimmy Burge. C'est comme Tammy Verge, mais Kimmy Burge. En tout cas, passez une belle journée. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Salut François. Salut Mathieu. Bonne journée. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.